Prends le Biraken, pourquoi on ne le penserait pas? Passez-le si vous voulez, mais passez-le pas à 100, passez-le à 10 000, à 20 000, à 100 000. Oui, écoutez, franchement, vous n'allez pas vous faire, jouer à vous faire tuer ici. Écoutez, réfléchissez. Enfin, mais c'est du suicide de se battre ici. Les syndicats cet après-midi nous ont laissé tomber. Entièrement d'accord. Les syndicats ouvriers nous ont laissé tomber. Alors. Et n'oubliez pas que c'est quand même une expérience toute neuve, que le dialogue n'est pas encore tout à fait instauré. Mais il ne sera jamais, parce que maintenant c'est terminé. Mais il peut l'être, plutôt que vous le croyez. Jamais à rien. Il peut l'être, en tout cas c'est certain. En tout cas, vous pouvez vous battre gratuit, si vous voulez. Sans rapport de force, que vous pouvez tenter quelque chose. Il y a eu assez de violence que ça. Certainement pas. Il y a dit qu'il veut discuter, là. Exactement. Alors comprenez, les flics vont charger. Dans un quart d'heure, vous avez un quart d'heure pour rentrer à la Sorbonne ou dans vos universités qui sont ouvertes. Pour rentrer, alors. Ne restez pas là, c'est le massacre. Je ne sais pas si vous avez été conscient du nombre de blessés qui a eu lieu la nuit du vendredi. Ben oui, mais la nuit du vendredi, il y avait des barricades. Ici, il n'y a rien. Bon, on a dit même qu'il y a eu des morts. Alors, je ne sais pas. Alors, plus il y aura de morts, plus vous serez. Qu'importe mon ami, l'espoir. barricade, nuit verte ou rouge ou bleue ou noire. C'est une nuit verte, celle des barricades, nuit verte ou rouge ou bleue ou noire. Qu'importe mon ami, qu'importe mon ami. L'espoir de la victoire, cela importe mon ami. Qu'importe mon ami, l'espoir de la victoire, cela importe mon ami, cela importe mon ami, cela importe mon ami.